بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، ندخل إن شاء الله اليوم في الحديث العاشر، جزم حديث. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا الصالحة، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، غذي بالحرام، فإن استجاب لذلك. رواه مسلم. نعم، نقول أبو هريرة que le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit que certes Allah طيب, c'est-à-dire traduit par bon, et qui n'accepte que ce qui est bon, et que Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés. Après, il a récité la parole d'Allah dans le sens où il dit: ô vous les messagers, mangez des bonnes choses et œuvrez dans le bien. Et dans l'autre verset, dans le sens où Allah Azza wa Jal, il dit, sens relatif au rapproché: ô vous qui avez cru, mangez des bonnes choses de ce que nous avons octroyé. Ensuite, il cita l'homme qui entreprend un long voyage, les cheveux ébouriffés et empoussiérés, qui lève ses deux mains vers les cieux, et qu'il dit: ô Seigneur, ô mon Seigneur, ô mon Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, que sa boisson est illicite, que son revêtement est illicite, et qu'il n'est nourri que de haram, d'illicite, comment lui serait-on exaucé? Il a répondu à ses invocations, apportées par Muslim. Naam. Donc ce hadith, عموماً يتكلم عن ماذا؟ أكل الحلال وأسباب استجابة الدعاء. تمام؟ Dans le fait de manger ce qui est illicite et les causes de réponse aux invocations. فقال أولا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قوله إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، que Allah est bon, on accepte que ce qui est bon. في هذا الحديث وصف الله عز وجل بأنه طيب، فهو سبحانه وتعالى طيب بمعنى أنه منزه عن النقائص والعيوب، هو طيب في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أوامره ونواهيه، فهو طيب من كل وجوه سبحانه وتعالى. Dans ce hadith, Allah était décrit comme étant bon. Wa Shi'ar Thamin يقول أن الطيب من أسماء الله كذلك. الطيب من أسماء الله. Donc Allah était décrit de la sorte. C'est-à-dire qu'il est bon dans le sens qu'il est exemple de tout défaut, de tout manque. منزهون عن النقائص والعيوب. وهذا والتسبيح. Le fait de glorifier Allah du fait qu'il soit dénué de tout manquement, de tout défaut. Donc il est bon en lui-même, ainsi que dans ses noms, dans ses attributs, dans les ordres qu'il donne, dans les interdictions qu'il a faites. Et il est bon sous tous les angles. طبعاً من هذا يعلم أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل. On ne l'attribue pas le mal. وكما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، que c'est vers lui que remonte la bonne parole. Donc dans le hadith, il dit que Allah est bon et qu'il n'accepte que ce qui est bon. تمام. ومعنى هذا من يقبل ما هو الطيب كما قال فهو لا يقبل إلى الكلام الطيب، il n'accepte que les bonnes paroles. والعمل الطيب، que les bons actes. لا يقبل من الصدقات إلا ما كان من كسب الطيب، que dans tout ce qui est aumône, il n'accepte que ce qui provient d'un salaire qui est طيب, qui est licite. Donc, كلام طيب والعمل طيب, ce sont des أقوال et des أعمال, تمام, كما ذكرنا في الحديث الأول, التي تقوم على الإخلاص أولا, dénué de shirk et dénué de choses mauvaises, التي لا يرضى عنها ربنا سبحانه وتعالى. Qu'est-ce qui est les choses qui sont mashrou'a, légiférées, permises obligatoire, recommandé, quand même qui sont légiférés. La yakbal ila hada. Donc dans tes œuvres, tu dois être mukhalis, comme on l'expliquait auparavant. Wa kadhalik an yakuna al-amal ala mutaba'ati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est en dehors de cela, Allah n'accepte pas. Ce qui est du shirk, Allah n'accepte pas. Ce qui est des bidas, Allah n'accepte pas. Ce qui prouve que c'est mauvais. Ce qui prouve que cela est mauvais. Et quand bien même, ta'ti bi'amal, mashru' wa asluhu mabni ala al-khabith, fawa mardoud. Tu viens avec une œuvre qui à la base est légiférée en soi, mais qui est bâtie sur du haram ou du faux, elle est rejetée. Mithalan shakhs yatasaddaq bima haram. Il fait une sadaqa avec de l'argent qui est haram. Pris de choses qui sont illicites. Cette sadaqa ne sera pas acceptée. Shakhs lao malayin. Il a des grosses sommes d'argent. Bâti sur des causes qui sont haram. Lui, il n'a pas le zakat à sortir de cet argent qui est haram. Il ne sera pas accepté. Quand même, ce n'est pas accepté. Sa base, la base n'est pas bonne. Mais il est tayyib. فالله يقبل الا ما هو طيب فهذا اصل كسبه غير طيب فالله يقبل. Souvent les gens étaient amenés à demander, des fois ils avaient de l'argent qui était soit des choses haram dont ils ont fait tauba, ou par exemple من حساب بنكي كان فيه ربا لكن ليس من قبلهم ولكن من قبل البنك ولزموا بذلك. Ils veulent se débarrasser des intérêts qui ont été mis dans leur argent, qui n'ont pas voulu les gens. Cet argent-là, يعني يصرف في مصالح العامة المسلمين. Il dépense dans les choses qui sont à l'intérêt général des musulmans. ويعلم أن هذا المال لا يؤجرون عليه. Ils n'ont pas de récompense dans cet argent-là. Quelqu'un dit, ouais, j'ai fait telle et telle chose. On dit, non, tu n'as pas de récompense. L'argent, tu dois t'en débarrasser, mais il n'est pas permis de le détériorer. Donc, ils le font quoi? Ils le mettent dans des choses, مثلا, في الحمامات, les toilettes, في المجاري, les égouts, أو تصليح الطرقات, tout ce qui est comment dirais-je, le fait d'améliorer les lieux de passage, tout ça, chose générale. يجب عليهم أن يتخلصوا من هذا المال, ils doivent s'en débarrasser, لكن لا ليس لهم أجر في ذلك. Ils n'ont pas de récompense par rapport à cela, car l'argent, il est illicite. Ils ont une récompense de la tauba qu'ils ont fait, une récompense d'avoir obéi en se débarrassant de l'argent en lui-même, mais cette sadaqa qu'il y a derrière là, comme à dire masali, intérêt, ils n'en tirent aucune récompense. Quand même, il n'y a aucune récompense par rapport à ça. لِيَنَّ الْأَصْلِ غَيْلْ طَيِّمْ ثُمَّ قَالْ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. Que Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux envoyés. يَقُولْ هَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ مَأْمُورُونَ وَمَنْهِيُونَ. Ce qui prouve que les croyants, tout comme les envoyés, ont des ordres et des interdits. Hatta al-Nabi, al-Rasul Mukallaf. D'accord ? Lui aussi, il est Mukallaf. لَأَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ أَوْ يَقُولُونَ شَيْئًا مِنْ تِلْقَى أَنفُسِهِمْ وَمِنْ مُسْتَحْسِنَاتْ عُقُولِهِمْ وَإِنَّمَا يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَيَتْرُكُونَ مَا نُهُوا عَنْهُ. Et du fait que, c'est-à-dire, en fait, lorsqu'on dit cela par rapport au Anbiya particulièrement, cela ne veut pas dire qu'ils parlent d'eux-mêmes. Ils font des choses qu'eux jugent comme étant bonnes. Tout ce qu'ils font, هذا من الله عز وجل, من الوحي. Amen, من الوحي. لكن هم مأمورون بتطبيق ذلك الأمر. Amen, car le prophète, de façon générale, dans ce qui est retransmis de la révélation, il est infaillible. وهناك كان في مسألة حصلت فيها مشكلة مع بعض الناس. La masala de la sunna. Est-ce que la sunna est un wahi au sujet ijtihad? Et la sunna wahi. Kullu. La sunna, c'est la révélation d'Allah Azza wa Jal, celle qui est authentique. Lakin, hel ma'na zalika anna lisa fiha mahal ijtihad il Nabi sallallahu alayhi wa sallam? La. C'est-à-dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, des choses qui sont parvenues directement dans l'Azza wa Jal, il les a retransmises. Et d'autres choses que lui a fait un ijtihad, et que par la suite le wahi est venu soit pour l'approuver, ou soit pour le réprouver. Donc ce qui a été approuvé, sa base c'est un ijtihad. Mais le wahi l'a confirmé, donc c'est un wahi, c'est une révélation. Et c'est donc les choses sur lesquelles il a fait les choses par ijtihad de lui-même, et qui ont été réprouvées, cela après par la suite n'a pas été répété. Tamam? Cela n'a pas été répété. Donc le wahi, c'est révélation kullu. Lakin, comment est-ce que la sunna, c'est révélation kullu? Lakin, comment cette sunna est arrivée? Hadahu. Est-ce qu'elle est arrivée directement par un décret divin, ou est-ce qu'elle est arrivée par un acte du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui par la suite a été confirmé par un décret divin? Hatta sahaba. Sahaba ijtahadu fi masail, thumma wafaqahum al-wahi. Omar, le djaïd de Akwal, dans le din, et là, après la révélation, est venu affirmer ce qu'il a dit. Les sahabas, ils ont fait des choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait lui, mais lui les a approuvées. Ils ont fait un acte de eux-mêmes, quand même, et par la suite, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a approuvé l'acte, ce qui est devenu une sunnah. Lui ne l'a pas fait, mais l'a approuvé. Car la sunnah, c'est ma fa'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ma aqalahu wa ma aqarra. Ce qu'il a fait lui-même, ce qu'il a dit lui-même, ou ce qu'il a approuvé, même s'il ne l'a pas fait lui-même. Kullu hada yadkhulu fi sunnah. Kullu hadhalika yadkhulu fi sunnah. Donc, les envoyés font ce qu'il leur est ordonné. Umirna bittiba rusul. ثم بعد ذلك قال أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين كما ذكرنا بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحة أو vous les messagers mangez des bonnes choses et œuvrez dans le bien. Donc le rasoul il lui ordonnait de manger ce qui est halal et de faire des bonnes œuvres. Chose qu'il est certain qu'il va faire. Même on a les bonnes choses, c'est ce qui est halal, les bonnes choses. Les bonnes choses, alladhi huwa halal, ce qu'on appelle le licite. Wal khabith huwa al haram, ce qu'on appelle le khabith. Pas forcément, c'est pas dans l'absolu. Des choses peuvent appeler khabith, elles ne sont pas haram. Mais là-bas, c'est haram. مثلا, une chose qu'appelle khabith, qui n'est pas haram, thawm, Al-basal. L'oignon et l'ail. Ces arbres ont été jugés comme étant un khubz. Dans quel sens? Qu'ils apportent une nuisance aux gens par l'odeur qu'ils dégagent pour ceux qui l'ont mangé et qui iront au masjid. Sans quoi, l'oignon et l'ail sont permis. Ce qui est interdit, c'est d'aller faire ça en jama'a après en avoir mangé. Alors. En dehors de cela, c'est permis. Parce que des gens pensent que comme tu ne peux pas en manger pour aller faire salat, ils disent qu'il ne faut pas faire manger aux gens des oignons de l'ail. On dit non, les gens doivent en manger. Seulement s'ils en ont mangé. Cru. Parce que quand il est cuit, il n'y a plus d'odeur ni rien. Si tu en as mangé cru et que tu as encore l'odeur avec toi et qu'il y a sa jama'a, tu ne dois pas y aller. Quand on parle de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faut aller avec tu ne s'approches pas de nos masajid. Et là-dessus, ils ont fait les ulama un jugement par rapport à ça. Toute chose qui se dégage de toi, qui dérange les musallin, quelqu'un qui a fumé, ce qui est à la base qui est haram, il dégage l'odeur du tabac, il va déranger les gens. Lui, pareil. Même jugement. Quelqu'un qui a travaillé, je sais pas moi, les poissonniers, ou Ali Raihat al-Samak, l'odeur de poisson, qui est forte, kazalik, yurayil malabis. Il vient pas faire la salade avec ses malabis, mais que c'est pas haram, à la base, l'odeur du samak. Mais lui, il va faire quoi? C'est yuzayij al-musallin. Que les anges sont, subissent ce que subit le fils d'Adam. C'est-à-dire, ça dérange les moussalliyin, ça dérange les anges. Kadhalik. Adam et Ajuz. Donc, c'est pas tout ce qui est khabith, à l'itlaq, qui est haram. Mais c'est le ghalib. C'est le ghalib, kalimat khabith, l'itlaq, à la main, ou haram. Ce qui est fréquent. Et ce qui est haram, ce qui est halal, من الأطعمة الأصل كما أخذنا في القواعد الفقهية وعلى ذلك أن الأصل في الأشياء الحل. Tout ce qui touche les choses de la dunya, nourriture, malabis, vêtements, وكذا, نحو ذلك, c'est que c'est permis. La base, c'est la permission. Donc, tu manges une chose, donc on te dit c'est haram, quelqu'un doit t'apporter un dalil. C'est-à-dire, ce que tu manges là, c'est haram. Sinon, la base, c'est que c'est permis. D'accord? Donc la base dans la nourriture, ce qui est halal, c'est ce qui est permis. Et la base, c'est que tout est permis. Tant qu'on n'a pas un texte qui l'interdit. Summat un autre tafsil, comme par exemple dans le lahm, tout ce qui est chair animal ou animalière, Elle, elles ont une autre corrida, c'est que ces viandes-là, le os fiha, elle, le hurma, c'est interdit tant que tu n'as pas été égorgé au nom d'Allah Azzawajal. Donc demain, tu arrives quelque part, tu auras l'ahman à mamak, هذا لا تأكله حتى تعلم هل هو حلال أم لا. Quand même, tu as une viande qui te parvient, tu ne sais pas d'où elle vient, est-ce qu'elle vient d'un musulman ou d'un kafir, tu ne sais pas. Là-bas, c'est que tu ne la manges pas. Là, c'est khos pour la viande, car la viande, elle a des conditions pour être comestible. J'ai une shar'an, an yuskar smullah alayh. Comme on dit à Allah, wa la ta'kulu mimma lam yuskar smullah alayh. Ne mangez pas de son, le nom d'Allah n'a pas été nommé dessus. Donc ça, tu ne manges pas. Mathalan. Wa kullu ma ja'a min al-bahr yajuz. Et tout ce qui prend de la mer, par exemple, c'est permis. Quand on a parlé de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an al-bahr, huwa al-hillu maytatu. Wa tahur ma'uhu. Même que la mer, c'est ce que dont sa chair morte, elle est halal, et dont son eau est pure et purifiante. Donc ce qui provient de la mer, là-bas, c'est que c'est halal, kazalik. Même la chair. Poisson, kaza et kaza. Quelqu'un dit, est-ce que je dois manger du pingouin? Le pingouin, c'est encore khas, mais tu vas dire, à la base, c'est permis. Mais il y a des animaux, il y a choub, parce qu'ils vivent sur terre, sur mer. Quelqu'un veut te dire, est-ce que j'ai le droit de manger, par exemple, je sais pas moi, du dauphin? Tu lui dis, c'est un animal mort. Hein. Quelqu'un te dit, j'ai le droit de manger du requin blanc? Tu lui dis, un animal mort. Quelqu'un te dit, j'ai le droit de manger de la baleine? Tu lui dis, tout ça, ça rentre dans le hadith. C'est permis. T'as même, c'est permis. Les fruits, les légumes, kullu hadil ashia. Al-asfi al-libaha. Donc maintenant, on juge une chose de halal et de makbou, la shan'an, laissa bizawakina wa bi'ukulina. Parce que ça, les gens disent j'aime pas ça, ils vont peut-être jugement que c'est haram. Chez les awam, des fois, ils ont une chose qu'ils aiment pas, ça les dégoûte, ils vont dire c'est haram. On dit là, dis t'aimes pas, dis pas c'est haram. Dis moi je n'aime pas ça. Ah ben pour dire un jugement de tahrim, faut que t'aies un dalil. T'as des lieux, t'as des gens, ils ont de coutume, des nourritures, elles se mangent pas chez eux. Tu leur apportes tel plat, ils vont dire non, ça on mange pas ça chez nous. Ça veut pas dire que c'est haram, ça veut dire que chez eux, dans la hadat, ils mangent pas, c'est tout. Toi, tu dois manger. L'ami sallallahu alayhi wa sallam, qu'un alay akul de la hyène. Parce qu'il n'aimait pas ça lui-même. Mais la hyène, c'est un animal qui fait exception à la règle, parmi ceux qui ont des crocs. Awanib, les animaux qui ont des crocs, les prédateurs, à la base, il y a des adilets qui disent qu'on n'en mange pas. Tout ce qui est lion, chien, fauve, d'accord? Tout ce qui est prédateur, qui a des crocs, c'est interdit. Tout ce qui a des cerfs également, comme les rapaces, les aigles, tout ça. Ou même les animaux, ils ont les deux, ils ont les crocs, ils ont les griffes, comme les félins, par exemple. Tout ce qui est tigre, tout ce qui est chat, ou akada. Shahid Nizalik, la hyène, à la base, c'est un animal qui a des crocs. Enfin, ça fait partie des canidés. Pourtant, on a un dalil qui montre que la hyène, elle est permise d'en manger. Bien sûr, si elle était égorgée, bismillah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, makala yuhibbu zalik. Mais il l'a pas interdit. Lui, n'en mangeait pas. Lui, n'en mangeait pas. Mais il l'a permis à ses compagnons. Donc, à zalik, masmo hada, Adoub, c'est le gros lézard. Je sais pas si c'est la hyène ou c'est le gros lézard que Nabi Sallam n'a pas voulu manger. J'ai un doute. Moutaskour? Ada ou Kazalik, ça? Je sais pas si c'est les deux ou si c'est l'un des deux. Le doub, sûr. Le lézard, c'est sûr qu'il n'a pas voulu en manger. Mais la hyène, j'ai un doute. Parce que j'ai un doute. Shahid, par exemple, le gros lézard. Je sais pas comment il s'appelle celui-là. Le doub. C'est quoi son équivalent en français? C'est un gros lézard, c'est un reptile. C'est pas mis d'en manger. Nabi Sallam, il n'a pas voulu en manger, lui. Tu vois. Les sahabis ont dit, le haram, quand elle est là. C'est pas haram, c'est moi, je n'aime pas. Eux, ils en ont mangé. Eux, ils en ont mangé. Donc, le halal et le haram est basé sur des adillah. Et la base sur les achats, comme Azakarna, huwa al-hil. Wa unam bab al-fa'ida, quand Zakarna Zalika, fi bad durusina, que, mathalan, contrairement aux malabis, le bas dans les malabis, c'est qu'ils sont halal kazalik. À part ce qui est, mathalan, propre au sexe opposé. La femme n'aime pas les vêtements de l'homme, et l'homme, c'est de la femme. Et kazalik, l'homme, par exemple, n'aime pas de la soie. Il porte pas de l'or. Des choses qui sont propres à l'homme, des choses qui ne sont propres à la femme. Donc, kazalik, ma fihi tashabbuh bil kuffar. Mima wa min khasa isil kuffar. Tu mets des vêtements qui soient spécifiques aux kuffar. C'est-à-dire qu'ils leur sont, quand tu les portes, tu sais que c'est des choses qui leur sont propres à eux. Pas les choses communes que tout le monde met. Et les choses sont communes, tout le monde met. Des choses qui sont propres aux kuffar. Ça, c'est un bab qui est assez vague, tu vois. On n'a pas vraiment de normes. Certains vont te dire, ça c'est commun, d'autres vont dire non, ça c'est propre au koufar, tu vois. Ça c'est assez ambigu. Mais pour des hadiths qui prouvent que, comme on va le prendre, biznillah, ba'da zalika, ce dont tu doutes, délaisse-le. Et on l'a pris dans le Wara, dans le hadith de Norman ibn Bashir, et évite. Tu ne sais pas, tu as un doute, tu laisses. Tu vois, est-ce que tel vêtement, il est, c'est propre au koufar ou pas, je ne sais pas, j'ai un doute. Tu laisses, tu demandes, jusqu'à ce que tu aies une réponse sûre. Shahid min hada, la nourriture, les vêtements, à la base, tout est halal. Ce qui Mayarod de la man yakul yani malabis, مثلا malabis islamia, disent malabis islamia. Alors le terme malabis islamia en soi, on dit malabis halal. Le kamis, مثلا kamis, c'est un vêtement qu'on porte aujourd'hui, que Nabi Sassam l'a porté, et le izar, kazalik. Mais les arabes le portaient avant, c'est pas lui qui arrivait avec, c'est pas l'islam qui l'a porté. C'est pas une chose que l'islam avait venu, que personne ne connaissait auparavant. Les arabes portaient le kamis. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a porté par la suite et a continué, c'est devenu parmi les coutumes des musulmans. On ne peut pas dire que c'est une chose de l'islam en soi, que l'islam a apporté sans précédent auparavant. Le pagne, l'izar, kazalik. Des pays, les mouchtikoun, ils portent l'izar en Inde. Ils portent l'izar. Mathalan. T'as des al-kitab, ils portent le kamis. Les prêtres, c'est pas le kamis. C'est pas tout qui est propre à nous, mais c'est un truc aujourd'hui qui est reconnu comme étant un vêtement porté par des musulmans. والإمامة كذلك الإمامة سين سنة العلماء يقولون دي سنة بحسب نيتك ستلمي بالنية التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنت مأجور عليه الإمامة كالزعاب avant que l'islam ne vienne porter l'imama c'est une sunna comment si toi tu la portes en voulant ressembler au prophète صلى الله عليه وسلم sans quoi à la base c'est un vêtement qui est halal après ça maintenant nia toi إنما الأعمال بالنية ça revient à ta niya à toi. Et dans la nourriture, il n'y a pas tous ces koyoud. Il n'y a pas de tachabou de koufa dans la nourriture. Kulluma wa halal ta'akulu. Tout ce qui est halal, tu le manges. Même si c'est la nourriture des Américains, des cowboys, la nourriture même des mouchriquins en Inde, et que c'est une nourriture qui est mazmouha à la tariqa islamia, tu manges. Il n'y a pas, tu dis, ouais, ça c'est le même plat que les hindous. Tu dis, alors halal, je le mange. Ah, c'est le même plat que les juifs. Ils font ça en Israël, dans le pays qui s'appelle Israël, Israël. C'est leur plat, je dis, alors, la viande, elle est halal, je la mange, bismillah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de tachabou al-koufa dans la nourriture. Donc, tout ce qui est halal, adaw al-tayyib. Quand même, adaw al-tayyib. Après, il y a des règles, plein de règles qui viennent par rapport à ça. Thumma yakul al-shir, par rapport justement à ce qui est haram. Et les touloukes du haram, on ne les connaît pas. Le djinn, par les adillah. Qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, comme on l'a dit. Il dit, « le halal yu'inu » quand il a dit, « wa'amalu saliha » œuvre dans le bien. « Fa'akle le halal yu'inu ala l'amal salih » le fait de manger du halal, ça aide à faire des œuvres pieuses. « Wa'yajalu l'amal salih mutakabbalan wa amma akle le haram fa'innau yuthabbitu wa yukassal an l'amal salih wa yukhazil al-insan » donc le fait de manger du halal, cela est, c'est une cause qu'on s'en rend pas compte, qui aide à faire des œuvres dans le bien et qui aide, qui fait ce que l'acte soit accepté. Quant au fait de manger du haram, cela justement alourdit la personne et rend fainéant paresseux et ce sont des causes que tu sois abandonné. يقول ولذلك تجد الذين يأكلون الحرام ويكتسبون الحرام من أبعد الناس عن الطاعة وعن العبادة وأكثر الناس عن الصلوات لأن الحرام ثقل في بطونهم وقلوبهم فكسلهم عن الطاعة بخلاف الذي يتعذى من الحلال ويتحرى الحلال. C'est pour ça que tu vois que les gens qui mangent du haram et qui leur salaire est basé sur du haram sont les gens les plus loin des actes d'obéissance et des actes d'adoration et qui sont parmi les plus paresseux des gens, dans les salawats, car le haram s'alourdit dans leur ventre et dans leur cœur, et les rend paresseux, ce qui les empêche d'accomplir les actes d'obéissance. Contrairement à celui qui mange du halal, et qui recherche le halal, qui cherche cela, tamam. فَهَذَا يُعِينُهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ. Donc les gens qui mangent du haram, leur cœur est dur. Et ce qui est haram, قد يكون حرام بذاته ويكون حراما بكسبه يعني تلك الشيء حرام en elle-même et d'autres qui sont haram par la cause comme tu les as obtenus. Par exemple, quelqu'un, il vient et par exemple, il vole une nourriture qui est halal dans un magasin. Du poulet qui est halal. Et il le mange. Il a mangé quoi à ce moment-là? Du haram. Pourquoi? Car ce poulet, il est halal en soi, mais lui, il a volé. Comment il l'a obtenu, c'est pas... C'est, tu vois. Ou quelqu'un qui va acheter un poulet halal avec de l'argent, mais cet argent-là, il l'a obtenu comment? Par le haram. Il fait un travail qui est haram. Par exemple, je ne sais pas, moi, il travaille dans les banques. Alors, bah oui, son argent, il est haram, et avec cet argent haram, il va acheter une chose qui est halal. Parce qu'il va, tout ce qu'il va consommer de cet argent-là sera haram sur lui. Tout ce qu'il va consommer avec cet argent-là qui est haram, sera haram sur lui. Ça rentre dans le même jugement. Donc, faire attention. Ouais, faire attention à ça. Pas se dire, ouais, le boulet, il est halal, naam, mais ton argent, il est haram que tu as acheté. Donc, c'est devenu haram pour toi de consommer cela. Autre que lui, s'il en mange sans savoir, il a le droit. Mais lui, il sait que son argent est haram. Il a acheté un truc halal avec lui, à Falen, et il le mange avec. Et parce qu'il l'aura pris, ça sera haram sur lui. Donc, ce qui prouve que tu manges du halal par la nourriture en soi, ou la consommation en soi, et par les moyens qui te font parvenir à obtenir nourriture, ces choses en soi. Hein? La chose en elle-même et les causes qui t'y emmènent. Tout doit être halal. Sinon, ça, à la fin, c'est le même jugement. Ça devient haram. طيب وقال تعالى في حق المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. Donc Allah dans le sens il dit par rapport aux musulmans, aux mu'minines, aux vous qui avez cru, mangez des bonnes choses que nous avons octroyées. Donc Allah ordonne aux croyants de ne manger que des bonnes choses qu'il leur a octroyées. Ça veut dire que, comme on l'expliquait la dernière fois, ما رزقناكم, Allah الرزق كله منه على ورزاق لكن هنا قيد قال من طيبات ما رزقناكم des choses bonnes que vous octroyez car il y a des choses mauvaises qui existent d'accord soit en soi ou soit comme tu l'as obtenu comme on vient d'en parler elles deviennent haram mais elles sont du risque quand même ça reste quand même du risque cet exemple qu'on a dit de cet homme qui a volé un poulet halal par exemple ce poulet c'est du risque mais il est haram. Ou ce poulet qu'il a acheté avec de l'argent haram, c'est de l'esprit également. Mais il est haram. C'est pour ça qu'Allah a bien dit dans le verset « Koulou min toyyebat » des bonnes choses. Des bonnes choses. C'est pas « Koulou min rizqanakum mutlaqan »« Min toyyebat »« Rizqanakum »« Min toyyebat » des choses bonnes. Quand les gens ils disent ça, il achète une chose, il va te dire tu as deux extrêmes, ils vont dire « C'est Allah qui me l'a donné » Je le mange, je dis, mais on dit, ouais, mais il est haram. Et d'autres, le contraire. Eux, ils sont pires. Ils vont te dire, Ya akhi, ala haram. Tu dis, ala rizqullah. La. Non, haram. Tu dis, comment c'est pas là qu'il a donné ça? Il y a notre razak Allah Azza wa Jal. Et là, il pourra rien dire. Si tu dis, naam, il y a notre razak Allah Azza wa Jal, kafarta. Donc tu dis, ça, c'est du risque, mais il est haram, c'est tout. Mais c'est du risque d'Allah Azza wa Jal. On a parlé la dernière fois. ثم قال طيب donc là c'est la première partie du hadith du fait qu'il incite à manger ce qui est bon et même dans les œuvres de ne faire que ce qui est correct accepté par Allah subhanahu wa ta'ala ثم يقول ضرب مثلا للذين وللذي يأكل الحرام ويدعو الله عز وجل après dans le hadith le Nabi s'en fait donne l'exemple d'une personne qui invoque Allah عز وجل alors que sa consommation son revêtement, tout cela est haram. فَذَكَرَ أَوَلَنْ قَالَ يُتِيلُ السَّفَرْ Il fait un long voyage. أَشْعَفْ وَأَعْبَرْ Ses cheveux sont ébouriffés et empoussiérés. وَيَمُدْ يَدَيْ لِسَّمَنْ Il lève ses deux mains au ciel. وَيَقُلْ يَرَبِّي يَرَبِّي Ô mon Seigneur, mon Seigneur. Là, dans ce hadith-là, قَزْدْ ذِكَ لَدِي الْأَشْيَا أن هذه الأشياء من أسباب استجابة الدعاء. تمام؟ Si c'était précisé là, c'est pour dire que cet homme-là a fait des causes qui amènent à ce que le dua soit exaucé. Il est en voyage. Donc ce hadith prouve que le voyageur وسفر في طاعة الله. Un voyage dans le halal, taban. Le voyageur, fi ta'a til Allah azawajal, ces doigts sont exaucés. Ma wa dalil ad al hadith wa ghayru. Après, le fait d'avoir les cheveux ébouriffés et en poussière, c'est-à-dire quoi? Tu es dans un hal de rissa, tu es en un hal de zilla même à Allah azawajal. Tu as, comment dirais-je, tu t'humilies devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas de kibr. Ça, c'est kazalik, parmi asbab, si j'avais été doua. Moud yadein les sama. Le fait de lever les deux mains vers le ciel. Kazalik, il y a d'autres adillah qui le prouvent. Quand levant les mains vers le ciel, c'est une cause de voir les doigts exaucés. Et d'ailleurs, la base dans les doigts, c'est qu'on lève les mains. La base dans les doigts, c'est qu'on lève les mains. Après, t'adou Allah Azza wa Jal, t'atawassal lehi bi rububiyati wa asma'i. Ya Rab, Ya Rab. Oh mon Seigneur, mon Seigneur. Donc tu l'invoques par tawhid de rububiyya, t'atawassal lehi par ses noms. Ça, c'est parmi les choses qui sont permises de tawassul dans le dua. D'invoquer Allah Azza wa Jal par son attribut. Que tu invoques Allah Azza wa Jal également par les œuvres pieuses. Ou kazalik, min dua al-rajul al-salih, par l'invocation d'un homme pieux. Kullu hadhihi al-ashya' tawassul al-mashru'. Donc tout cela pour dire qu'il a fait ce qu'il fallait de ce côté-là. Wa malgré tout, yaqul wa mat'amu haram. Ce qu'il mange, haram. ومشربه حرام ce qu'il boit c'est haram وملبسه حرام ce qu'il revêt comme vêtement ce qu'il porte comme vêtement c'est haram فان استجاب لذلك comment lui sera-t-il donc exaucé هذا والشاهد من الحديث que le haram est une cause qui empêche que ton doigt soit exaucé. Tu as fait toutes les causes d'un côté pour que ce soit exaucé et à l'inverse tu as fait les mawani'. Donc manger du halal c'est une cause pour qu'on soit exaucé, manger du haram c'est le contraire. Ils ne sont pas exaucés. Porter du halal, c'est des causes pour t'exaucer. Porter du haram, c'est des causes pour le contraire. Tu ne seras pas exaucé. Tu mets toutes les causes de dua. Tu te lèves, sous le akhir min al-layl. Tu lèves tes mains, tu pleures, tu te rabaisses devant l'azawajel. Tu es en soujoud, même s'il le faut. Je pense que tu fais salat et après, à côté, tu fais les doigts. Et pourtant, tu as mangé du haram. Et tu le sais. Consciemment, eh ben, tes doigts, c'est une cause pour que ça ne soit pas exaucé. C'est une cause pour que tes doigts ne soient pas exaucés. Voilà le moustache. Donc là, tu vois des gens, Mathalène, vouloir des choses, ce qu'ils appellent, ce qu'ils pensent être la justice dans le monde, se plaignent pour la Palestine. Et on est triste pour nos frères palestiniens, bien sûr, je ne sais pas, ça pour. Yanni crie au scandale pour ce qui s'est passé en Chine, avec les camps de concentration qu'il y a pour les Chinois. Crier au scandale pour la Syrie. Crier au scandale pour le Yémen. Crier au scandale pour tel et tel pays. Faire des manifestations. Sortir. Faire des sittings. Faire kaza et kaza et kaza et kaza. On dit, a'malukum ghayr mashru'a. Donc déjà, Allah tayyib, l'agbel le tayyiban. Ce que tu fais, c'est pas tayyib. Manifestation, c'est Tachaboul Bekoufar. Nabi Sallam, il n'a pas manifesté. Si t'es en paix d'islam, c'est un khourouch al-hukam. Et si t'es en paix de koufre, à la base, c'est Tachaboul Bihim parce que c'est eux qui l'ont inventé, ce truc-là. Khourouch, le fait de manifester. Ça vient pas des musulmans, ça. Donc, ton amel n'est pas taïb. Ces gens-là, t'en vois beaucoup d'entre eux. Fi an al-bab, fihi khalal. Dans ce qu'ils mangent, dans ce qu'ils revêtent. Tu entends plein parmi eux, ils sont habillés comment? Ils sont en jean serré, en basket. Les femmes ne sont pas voilées ni rien. Malbessou haram. Malbessou haram. T'en as, ils viennent de Marseille pour aller jusqu'à Paris pour manifester. Safarouhou, fi aïd taratillah. Son voyage n'est pas pour. Et il crie dans la rue. Les femmes crient dans la rue, mixité entre hommes et femmes. Même pire encore, mixité entre hommes et femmes avec les koufars qui viennent participer avec eux, soi-disant solidarité. On dit, tu veux libérer la Palestine, tu veux aider nos frères chinois, tu veux aider le Yémen, tu veux aider la Syrie. C'est pas comme ça que tu veux arriver. Inna Allah tayyib, l'agbel le tayyiban. Donc fais les causes d'istijabat du'a en mangeant du halal, en buvant du halal, en t'habillant correctement, en levant tes mains, en invoquant Allah Azza wa Jal parce qu'il nous attribue, et en faisant ça aux heures d'istijab al-du'a. Et ça, c'est beaucoup. Se lever au dernier tiers de la nuit, qu'est-ce qui est plus dur? Ça? Ou aller dans la rue tout l'après-midi et crier? Sans compter qu'ils repoussent les salawats s'ils les font. C'est l'heure du haras, il est où dans la rue en train de crier? Libérez Palestine, libérez Palestine. C'est l'heure du haras, qu'est-ce que tu fais? Tu vois? T'es en train de faire quoi? Crier, libérez Palestine, libérez Palestine. Il est mort au tayyib hada. Là, t'es en train de kharaf, amrallah azza wa jal. À un moment où tu cries Palestine, tu dois faire Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu dois crier à faire la zen à ce moment-là. Pas crier, libérer Palestine. Ils ne le font pas. Et après, quand on leur dit que, ah, dis-toi des cas, Ray Sadida, ils te disent, vous êtes des vendus, vous êtes des employés des Romalas, vous êtes. On dit, nous, on vous appelle à faire les choses, puis moi, on dirait, comme on parlait Ta'ala, on trouve le bouyout min Abu Abiha, entrer dans les maisons par leurs portes. Tu veux qu'Allah libère ses peuples, bah, commence par faire des actes qui sont acceptés par Allah Zawajel. Et des choses qui sont apportées, comme te lever la nuit, faire salat déjà obligatoire, manger halal, t'habiller correctement, même faire des wajibat, et entre azan et iqama dans le masjid, tu lèves tes mains, Allah il stajib lak, inshallah. La nuit, tu fais qiyam al-layl, Allah il stajib lak, inshallah. Tu saoum, tu fais des ibarat, tu saoum, Allah il stajib lak, inshallah. Tu fais des salawats obligatoires dans ton soujoud, Allah il stajib lak. Mais eux, ils sont loin, comme il a dit le shir. Loin des amal saliha. Comme il dit Shafouzen. Les gens qui font des choses comme le haram, ils sont loin des ta'at. C'est lourd pour eux. On ne dit pas qu'ils ne sont pas sincères. Mais, peut-être que l'ikhas, il est là, mais la mutaba, elle est tellement loin, ce qui fait que ça tourne en rond, il n'y a pas de résultat. Et ils pourront crier toute leur vie de Palestine, ça ne va pas aboutir. Kazalik, mimma yafaloun, yuharrimuna at-tayyibat bizam annaha ja'at min ha'oula. C'est de boycotter les nourritures. Tu bois du coca, c'est interdit. C'est haram. Donne-moi une preuve que c'est haram le coca. Ils vont te dire, mange des sneakers. C'est des produits d'Israël, il ne faut pas en manger. Tel produit, ils ont fait des listes de tout ce qui est d'Israël. Tu dis, tout ça, il ne faut pas en manger. Dis, pourquoi il ne faut pas en manger tout ça? C'est haram. Il faut boycotter. Je commence par boycotter les péchés. Tu veux boycotter quelque chose? Boycotte les péchés en premier lieu. La'alallah yafta alayna. Amasa, dans les cas-là, là. Si quelqu'un doit décréter un boycott, c'est le qui? C'est le hakim. Dans un pays d'islam, il a le droit de faire ça. Le hakim dit, ces produits-là, on ne les vend pas dans notre pays. Parce que ça amène à ta'awun avec eux, ça leur donne la force contre nous. Mais vous, de vous-même, là, vous n'avez pas le droit de faire ça. Maintenant, toi, tu ne veux pas boire du coca de toi-même, pas le droit, mais tu imposes les autres de le faire, et celui qui boit du coca, c'est un kha'in, mathalan, tu dis, ah, la meilleure chose, là. Tu harim ma ahlallah, et tu n'as pas de dalil pour dire que voilà. On va dire, pour libérer la Palestine, on dit, on t'a donné des turuk pour faire des causes, même s'ils ne sont pas libérés, au moins toi, tu auras le âge dans la Azawajel d'avoir agi de façon légiférée, tu auras la récompense, et Yom Al-Qiyama ne sera pas contre toi. Et tu seras un exemple pour d'autres en faisant cela. Inna an-nafs la'ammaratun bis-su. Hada. Tayyib. Donc on a fini ce hadith là, c'était une parenthèse, en guise de nasiha. ندخل في الحديث الحادي عشر مهم حديث يقول عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما يريبك رواه الترمذي dans une version فإن صدق طمأنينة والكذب ريبة. Donc il a dit محمد بن الحسن Ibn Ali, Ibn Abi Talib, petit-fils du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et sa source de joie. Ça durera comme ça à peu près dans le sens. Il a dit, j'ai mémorisé du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, délaisse ce qui te fait douter pour ce dont tu es sûr. D'accord? Délaisse ce dont tu doutes pour ce dont tu es sûr. C'est-à-dire que tu es sûr d'une chose, ne la délaisse pas pour une chose qui te fait douter. نعم. دونك دو الحديث يقول الحسن سبت رسول الله. السبت كما قال الشيخ معناه ابن البنت. السبت c'est le fils de ta fille. والحفيد هو ابن الابن. C'est le fils de ton fils. Alors, différence lughawiyya. السبت ton petit-fils du côté de ta fille. Ou Hafid, ton petit-fils du côté de ton fils. Ou Akaza. Ou il y a Jouzitlok Saniel al-Awwal. Mais quand on précise, on emploie ces termes-là. وريحانته ريحانة c'est une fleur qui a beaucoup d'odeur forte. J'ai trouvé qu'ils disent en français c'est basilic, je sais pas si c'est la même chose. Parce que quand j'ai vu ici le Rayhana, le basilic, ça ne ressemble pas. Ça ressemble pas. Parce que le basilic, ça dégage une odeur qui est forte. Mais la plante que j'ai vue ici, qu'ils utilisent, qu'ils disent Rayhana, c'est pas la même. Ouais, tu mets sur le Imam. C'est pas la même. Donc je sais pas si ça serait quoi l'équivalent en français. C'est, en tout cas, c'est une plante qui dégage une forte odeur très agréable. Donc, Al-Hassan, Yakou Lakada. Adou Samir Amin. جده هذا الكلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دلس selon tu doutes ou selon tu ne doutes pas, c'est-à-dire selon tu es sûr. يقول في الشرح ما تشكك فيه من الريب وهو الشك إلى ما لا ريب لا يريب لا يريبك نعم إلى الشيء الذي لا يشك فيه. وإذا كان عندك أمرا أحدهما مشكوك فيه والثاني ليس فيه شك تأخذ الذي ليس فيه شك وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق فمن اتقى الشبهات استبرأ لديني وعرضي. Donc ce hadith là dont le sens est واضح, c'est que les choses qui t'amènent à douter, tu as une chose dont tu doutes, une chose dont tu es sûr, reste dont tu es sûr. Et c'est la chose douteuse, tu la délaisses. D'ailleurs, c'est une qaïda fiqhiya kazalik qui est Anna al-yaqin la yazoulu bishak. Al-yaqin la yazoulu bishak. La certitude ne saute pas par le doute. Ça, c'est parmi les qaïda fiqhiya al-kubra. Et c'est une hadith, une règle qui ferme la porte au wasawis. Jiddan. Quelqu'un, comme dans le hadith de Abdullah ibn Zayd, يقول أن الرجل شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوته أو يجد ريحة. Qu'un homme se plaignait auprès du Nabi صلى الله عليه وسلم de ce qu'il ressentait en lui comme s'il avait eu des gaz dans la salat. Donc là, le Nabi صلى الله عليه وسلم il a dit quoi? Il a dit ne sort pas de la salat tant qu'il n'a pas entendu un bruit, un son sûr ou une odeur. Parce que c'est comme ça qu'il est sûr qu'à ce moment-là, vraiment, il a eu des gaz. D'accord ? Quand on dit des gaz, c'est le fait de péter parce que le gaz, ça peut être roté. Ça, ça n'annule pas la salat. Donc la personne, quand elle a ça, on dit quand tu n'as pas la yakin d'une chose, reste sur la chose dont tu as la yakin. Tu as la yakin que tu étais en salat, que tu avais l'ozo. Tu restes là-dessus. Sinon, tu te portes au wasawis. Ça arrive des fois, tu fais l'ozo. Après, tu sors de chez toi, la salat arrive, tu dis, est-ce que j'ai ahdastou ou ahdastou ? Là, tu commences à devenir majnoun. On dit, t'es sûr que t'as fait l'odo? Non. T'es sûr que t'as ahdassal? Là, je suis pas sûr. Khalas, reste sur le fait que t'as fait l'odo. Fais ta salat. T'as même fait ta salat. Wa kaza. Dans plein de situations. Ce hadith-là, il ferme la porte au wasawis. Wa kazalik hadha al-hadith yu'malu fihi fi masail al-khilaf. Comme il a dit le shir, ça revient au hadith qu'on a pris auparavant de Norman al-Bashir. Dans que celui qui a délaissé les choubouettes, les choses ambiguës, il s'est certes préservé dans sa religion et dans son honneur. Ça revient à ça, al-wara. Une chose, tu es sûr, une chose est douteuse. Laisse le doute. Enseigne-toi, demande à un alim, une fatwa, toi la yaqin par le dalil, après tu sauras. Mais tant que tu ne sais pas, délaisse. T'as même délaisse. Tu as un khilaf entre deux ulama, ou plus. Une mas'ala, fiqhiyya ou ghayr dhalika. T'as un qawl qui t'amène, qui n'est pas préjudiciable en l'appliquant. Et un autre, tu dis si j'applique ça, je peux encourir telle et telle chose. Car je connais d'autres hadiles qui disent que cette chose-là, par exemple, elle n'est pas permise à la base. Un exemple, qui avait un hadith précédent, manger la nourriture des gens de Al-Kitab. Mathalan. Ça revient au hadith précédent. Wa ta'amuhum halal lakum. Le ta'am des gens du livre nous est permis. Les ulama ont expliqué, c'est en fait qu'on dit ta'am, c'est dhaba'ihum. À la base, le ta'am, tout est halal. Il y a par exemple quelqu'un qui vient avec de la purée, un nasrani, tu vas la manger. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. un hindou, tu vas la manger. Maintenant, il parle de quoi en fait? C'est Zabahir. Zabahir. Le verset parle de ce qu'ils ont égorgé. Ce qu'ils ont égorgé, c'est halal pour nous. Après, il y a un khilaf entre l'ulama. Hal kitab al-lazi zabahuhu wa lam yathkul ismullah alayhi. Hal yathkul fi umum al-aya am la. Les choses qu'ils ont égorgées sans avoir prononcé le nom d'Allah Azza wa Jal dessus. Par exemple, ils ont dit Bismi Isa ou Bismi Uzayr. Kazarik. Ou Bismi le Ruh al-Qudus, comme ils disent les chrétiens. Tu vois, au nom de Jésus, comme ils diraient, au nom du Saint-Esprit ou autre. Autre que Allah. Est-ce que ça rentre dans le verset ou pas? Et donc, les ulama disent Naam, il y a Jouzlak. Ils ont dit là, car on a un autre verset qui dit Wala takulu mimma lam yuskal ismullah alayh. Ne mangez pas de ce dont le nom d'Allah n'a pas été prononcé dessus. Mais dit ça, c'est un qaïd qui prend tout le reste. Et d'autres disent non, le verset qui dit que tu manges la nourriture mutlaqan, ça prend ça aussi avec. T'as un khilaf entre les deux. À ce moment-là, comment t'agis? Tu dis, si je ne mange pas leur nourriture sur laquelle ils ont prononcé le nom de autre que Allah Azza wa Jalla, je ne la mange pas, j'ai rien à perdre. Juste, je perds un plat. C'est là. Et l'autre côté, tu dis, si jamais je mange ce plat, et ils ont nommé Rissa dessus, qui n'est pas Allah Azza wa Jalla, les ulama m'ont dit que j'ai le droit. Et d'autres versets disent que c'est une chose qui est mayajouz. De manger, c'est de meïta. Comment j'agis à ce moment-là? T'as un doute? C'est quoi le plus sûr pour toi, à ce moment-là? De délaisser. Qui délaisse? Tu en as un, il est douteux pour toi. Et l'autre, t'es sûr qu'il n'y a pas de problème. Je mange pas la nourriture, j'ai rien à perdre de ne pas la manger. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses qu'au là. C'est dans plein de masail. T'as un khilef, t'as un call qui est prudent, qui t'amène à aucun préjudice, et l'autre, il est douteux, et il t'amène à des choses qui te font douter. Délaisse ce call-là, et prends l'autre dont tu es sûr. Jusqu'au jour où t'as un mustawa ilmi qui te permet d'être connaître le rajir, d'être sûr à la yakin, parce que là, en fait, il est sawab. T'es sûr ce qu'on a, il est sawab. Toi, tu doutes, mais pour moi, ana la ilm min amri, ana hada kol wa rajih. La salam. Aimt? Ah. Donc, t'agis avec cette règle-là dans plein de situations. Dans plein de situations. T'as, j'aurais aimé qu'on fasse le 12e, mais il n'y aura pas le temps. Ma fi waqt. فسمعت في بي هذين الحديثين إن شاء الله واستفدنا الحمد لله سنضع بدي شوز دي عقل فنكتفي بهذا القدر وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك